Chapitre 8e. Molina entra un matin chez Guillemard, qui, en pantalon de flanelle, à sa toilette, se retourna, et sur le visage bouffi, dans les yeux striés de rouge du Marseillais, lut clairement quelque atroce nouvelle de ruine. Il laissa tomber son éponge, et la voix rauque. « Quoi donc? Est-ce qu'il y a du nouveau ?»« Le nouveau, c'est que Stockla était un coquin. » C'est que Rodillon a en main les titres de l'alimentation et qu'il va aujourd'hui ou demain écraser le marché en les livrant en masse. Voilà le nouveau, nous sommes étranglés. » Guillemard essaya de sourire, portant instinctivement la main à son cou de taureau, comme pour montrer qu'on n'étranglait pas un colosse avec les maigres mains d'un Rodillon. Mais Molina haussa les épaules, l'heure des bravades était passée. La vérité féroce, c'est que presque toutes les actions avaient été souscrites par lui, Molina, et par Guillemard, pour enlever cette formidable hausse qui, partout, à Paris, en France, allumait des convoitises et que maintenant il fallait payer. Avec quoi? C'était effrayant. Molina regardait Émile avec des yeux égarés. Il s'était laissé tomber dans un fauteuil du cabinet de toilette et là, écrasé, haletait comme un soufflet de forge, tandis que Guillemard allait et venait, passant avec rage ses mains grasses dans ses cheveux roux. J'ai fait le calcul, disait Molina, son accent de la Canebière donnant à sa souffrance colère quelque chose d'ironique. « C'est 90 millions que nous devons. »« 90 ?» Guillemard, planté dans lui, se demandait si Molina perdait la tête. « Au bas mot, voyons, raisonne !» Et Molina, comme faisant un effort sur lui-même, secouant sa tête congestionnée et dont tous les os lui semblaient craquer, écrivait fébrilement sur un bout de carnet des chiffres que Guillemard regardait d'en haut, les yeux ronds. « L'alimentation générale, capital, 100 millions, et, bien, 200 000 actions émises avec 100 francs de prime. La prime, mangée par les frais, n'est-ce pas? Commission payée à Stocklight. Ah, canaille de Stocklight. Oui, crânement canaille. Et pour nous couler, il aura touché 60 francs par action, ce polisson-là, soit 12 millions. Je ne me trompe pas, eh ?» disait toujours Molina en regardant d'un air effaré les chiffres qu'il alignait rapidement. « Non, bah, bah, 12 millions, gredin de Stocklight. Pour frais de publicité, 10 francs par action, soit 2 millions. Un tas de succursalistes, Paris et province, 10 francs par titre, 2 millions encore. 4 millions à divers courtiers, frais de courtage, est-ce que je sais? Les 20 millions de la prime ont été vite avalés, tu vois? Maintenant, où en sommes-nous? T'en rends-tu bien compte? Oui, mais va donc, dit Guillemard, dont les yeux s'allumaient de rage en regardant ce carnet que Molina couvrait comme d'un grimoire. Molina le tombeur avait, en griffonnant ses chiffres, des rires bizarres, nerveux comme ceux d'une hystérique. « Nous avons fait monter le chiffre à 1 200, soit 700 de prime, plus 125 francs versés. Mais nous nous sommes laissés prendre nous-mêmes aux promesses de ce corsaire de Stocklight. L'émission avait fait four et l'Américain ne le disait pas. » Comment donc, l'animal, les titres lui restaient pour compte et il les passait à Rodillon qui nous en étouffe. Ah, va-nu-pied de Rodillon. Mazas, il ne retournera donc pas à Mazas, criait Guillemard en serrant les poings. Molina haussa les épaules. Des blagues. C'est parce que tu lui as flanqué Mazas par la figure qu'il nous achetait ce coup de chien-là dans les jambes. C'est une crâne bêtise, ta colère. Tonnerre, mais est-ce que tu ne l'assommerais pas si tu le pouvais? « Eh, dame, » fit Molina, la voix féroce, « il n'est point dit que je ne lui casserai pas les reins. » Et ces deux hommes, la ruine sur le cou comme un couteau de boucher, se regardaient, des rages farouches luisant dans leurs prunelles et les consolant presque dans leur chute. « Tout ça, c'est des mots, » reprit le Marseillais. « Voyons la chose froidement. » Il se mit à rire. « Froidement, je t'en fiche, froidement. Ma cervelle pète. Ah, crénom de nom. Avoir bâti ma fortune comme je l'ai fait, sou à sou d'abord en criant la défroque sur le port, être sorti d'affaires à la force du poignet, avoir dompté Paris et crevé en route comme un chien, rincé, vidé, Molina le tombeur, tombé par Rodillon, c'est à se flanquer par la fenêtre. » Guillemard l'écoutait, sentant lui gronder les mêmes colères, les pareilles angoisses. Depuis des semaines, il ne dormait plus. Guillemard avait vendu le sommeil. Des rêves fous coupaient ses nuits, le secouaient et le faisaient se dresser en sursaut, voyant à la lueur de la veilleuse comme une lézarde immense qui gagnait, gagnait, crevassait tout. Ah, quelle misère! Lui, le fils du père Guillemard, qui méprisait presque, du haut de ses millions, le médiocre commerce de fer du Lillois. Il allait finir comme le vieux n'avait pas fini. Il allait peut-être ne rien laisser à son enfant, lui, Guillemard, le grand Guillemard, tyran de la coulisse et roi de la boustifaille. La ruine noire était là. Raymonde, au bout d'une telle épreuve, aurait elle-même une dot. Une dot, Raymonde. Ah, la brute, l'imbécile, qui aura remué des millions et ne donnera même pas une dot à sa fille. Voyons, voyons, reprit-il, debout devant Molina, pendant que le Marseillais effaçait, puis réécrivait, additionnait ses chiffres. Tu dis 90 millions? Je te fais le compte. Stocklight a placé le quart du capital. Bien. On a versé 125 francs par action. Nous avons encaissé 25 millions. Mais combien avons-nous acheté? La moitié du capital. Au moins, et plus haut. Soit 82 500 000. Non, dit Guillemard en réfléchissant. Tout n'a pas été acheté au même prix. Compte que la moitié du capital nous coûte 65 millions. C'est bien assez. Mais ce n'est pas tout. Et ce qui a été réellement dépensé dans l'affaire, les frais véritables, le terrain, l'immeuble? Je dis 90 millions. Mettons 80. Les as-tu? Le rire, ordinairement gai, du Marseillais vibrait d'une façon bizarre. Et toi? Fit Guillemard, que le ton d'ironie de Molina blessait en plein. Il ajouta, essayant de reprendre son aplomb de batailleur heureux. C'est un calcul à faire, voilà tout. Et ajoutant les millions aux millions, déclarant la totalité de sa fortune, comme il eût vidé ses tiroirs, il essayait d'arriver, par l'entassement de ses unités, à cet effroyable total, 80, 85 ou 90 millions. Il nous reste les 25 millions versés, n'est-ce pas, Molina? Oui. Mon inventaire dernier s'élevait à 24 millions. J'en ai bien gagné 5 depuis avec les Suez, soit 29 millions. Ça fait 54, dit Molina. Et toi? Demanda Guillemard. Molina éclata encore de ce rire singulier qui ressemblait à un spasme. Oh, moi, je suis moins riche que toi. Ajoute mes 13 millions au tien, nous arrivons à 67. Il en manquera toujours 15 ou 20. 13 millions, dit encore Molina. C'est un mauvais nombre, ça doit me porter rail. Il s'est élevé, déchirant son carnet en deux avec une colère sauvage. « Nous avons beau nous tourner, retourner, Guillemard, mon bon. C'est comme des goujons qu'on fait cuire. Free, nous sommes free. 20 millions, peut-être 25. Va donc les pêcher dans la coulisse maintenant. »« Tonnerre, » dit Guillemard, claqué en route. « Comme ça, ce n'est pas possible, pas possible. » Il planta ses yeux gris de fer sur la face de Molina. « Tu n'as réellement que 13 millions, toi, toi, le tombeur des tombeurs. » Et je les donne jusqu'au dernier centime, fit le Marseillais. Tu ne me crois pas? Je me retournerai mes poches si tu voulais. Je suis fichu, eh bien, je le serai jusqu'à la garde. Aïe donc, t'es. Tout revendeur d'habits qu'on a été, on fait honneur à ses affaires, et je ne dis pas que je n'avalerai pas du laudanum pour me consoler si nous la sautons. Les grosses mains de Guillemard prirent les mains de Molina le tombeur, elles brûlaient de fièvre. Ah, si Rodion ne livrait pas les titres, souffla Molina. On pourrait revendre, se faire reporter, parbleu, dit Mille, du ton d'un malheureux qui se tendrait de soif et de loin apercevrait une jatte d'eau. Mais Molina eut aussitôt son ricanement de tout à l'heure. Vas-y voir, mon garçon. Je comprends le coup maintenant. Rodion a voulu se faire payer son Mazas. Tu le payes cher. Mais moi, j'y suis de ma peau aussi. Et allez donc, imbécile aussi. Imbécile qui va rappeler à un homme qui l'a tâté de la prison. Et moi, qui mets dans le jeu de ce fanador-là, moi qui m'attaque à Rodion, soutenu par les Nathans, car il y a les Nathans derrière Rodion, comme il y a Rodion derrière Stocklight, on ne sait plus à qui l'on a affaire. Et tu voulais couler ces gens-là, à toi tout seul? Fini, rincé, raflé. Va donc te refaire maintenant à ton âge. Tu en crèveras, vieille bête. Ce n'était pas à Guillemard qu'il parlait, c'était à lui-même. Il éprouvait à s'insulter, à se souffleter, une joie féroce de flagellant qui se châtirait par des coups de fouet. Il s'exaltait d'ailleurs, rappelant ce soir de rage au Chapon Fin où Rodion, livide, crachait au visage de Guillemard son haineux « Tu me le paieras !» Et le gros Émile revoyait encore le noir petit homme irrité. Il avait devant les yeux cette face convulsée, les gestes menaçants de Célestin. Rodion le tenait pourtant à présent et le strangulait, ce Rodion qu'il prétendait faire sauter comme un bouchon de liège. « Il t'a mis les poucettes, tout de même, » disait Molina. « Les menottes, oui. Rodion était le maître. Il avait lâché sur lui ce blond Yankee, son homme de paille, Stocklight. Et Guillemard avait donné dans le panneau, le triple imbécile, comme disait Molina. Pour pouvoir se sauver, trouver l'énorme somme voulue, il fallait d'ailleurs peu de choses, du temps. Avec du temps, Guillemard et Molina pouvaient revendre. La société d'alimentation n'était pas discréditée. Le public, au contraire, y croyait encore. La hausse factice pouvait l'entraîner, mais demain. Se faire reporter, oui, voilà ce qu'il fallait. Il le pouvait. Pour cela seulement, il fallait que Rodion ne livrât pas les titres. S'il les livre, nous sommes perdus. S'il ne les livrait pas, pourtant... « Comment veux-tu ? » faisait Molina. « S'il ne livrait pas, je serais bien certain de faire entrer réellement l'acheteur, la foule, dans l'affaire. Un dernier coup de mousse et de réclame. En un mois, je me chargerais bien de vendre les actions. Ah, si Rodion ne livrait pas. »« Eh, paquet, il livrera. »« Oui, oui, je l'ai trop blessé, le gredin. Il livrera. Et si tu allais le voir, toi, pourquoi faire ? Il peut bien entendre raison. » « Lui, il te tient, il te garde. Eh, donc tu y passeras, mon bonhomme. Et toi, et moi aussi. » Le rire détraqué de Molina causait à Émile une sensation de malaise. « Il y aurait bien un moyen, » dit le tombeur. « Lequel ? Ce serait toi, d'aller le voir. Rodillon ? Rodillon. Il ne m'écouterait pas. Il serait enchanté, au contraire, te voir arriver comme un petit garçon qui va recevoir la patoche, toi, qui l'a menacé de Mazas, et t'es... C'est une joie que ce satané renard-là n'a pas eu souvent. » Guillemard reculait, jaune de colère. Allait supplier Rodillon, lui, cette canaille de Rodillon, un gibier de correctionnel. Il aimerait mieux claquer tout de suite. Quelle idée avait Molina? Il ne connaissait donc pas les fiertés du gros Émile, s'humilier, pleurnicher, peut-être. Ah bien oui. Avant d'avoir ouvert la bouche devant Célestin, Guillemard tomberait raide d'apoplexie. On dit ça et on ne tombe pas, dit Molina. Alors pourquoi n'y vas-tu pas, toi, chez Rodillon? Ce n'est pas la même chose. Moi, je suis un monsieur comme un autre, mal engagé, tant pis pour moi. Il n'a pas de raison pour me vouloir du mal, si ce n'est que je suis ton associé. Mais il n'a pas non plus de raison pour faire de la pose à la grandeur, parce que je ne lui donnerai pour ça aucun plaisir, moi. Il se moque pas mal que j'aille lui demander pardon, moi. Tandis que toi, toi qui l'as souffleté, blessé, dame... Les excuses de Guillemard qui faisait tant le malin. Ça vaut bien la peine de laisser reporter les acheteurs de la société d'alimentation. Il est vaniteux, Rodion, et tu sais où le bât blesse. Il y a là un espoir possible. À ta place, moi, j'irai. Molina, répondit brusquement Guillemard, écoute-moi bien. Nous crèverons comme des bulles de savon, c'est possible. Mais je n'irai pas voir Rodion. Ça, par exemple, c'est trop dur. Il est plus dur d'être exécuté et de tomber dans le troisième dessous. À ton aise. Oh, à ton aise, dit Molina, qui enfonçait son chapeau sur sa tête. Mais veux-tu que je te dise, j'ai manqué de nez. Je te croyais un finaud. Tu n'es qu'un vaniteux et un chansard. La chance t'a planté là. Tu fais la culbute, mais non. Je n'avais pas besoin de la faire avec toi. Il sortit brusquement, poussant derrière lui la porte du cabinet de toilette, et Guillemard l'entendait encore répéter furieusement des jurons, retentissant comme des tonnerres le long des corridors. Quand tout bruit se fut éloigné, Émile, comme il se fut écroulé, se laissa tomber dans ce même fauteuil où Molina, tout à l'heure, griffonnait ses chiffres, additionnait les millions. Ruiné. Peut-être aujourd'hui, ruiné. Tout l'échafaudage de sa fortune tombait comme s'il eût été fait de bois pourri. Son grand projet aboutissait à cet effondrement. Ruiné, pauvre, plus pauvre que lorsqu'il arrivait à Paris, puisqu'il n'était plus jeune, qu'il vieillissait terriblement et s'épaississait. Maintenant, il se sentait là. Il se courbait sous le point connu de la déroute. Il se disait que sa vie était finie, finie. Ce bel homme hautain, qui de sa forte taille dominait la foule à la bourse, sentait comme une timidité l'envahir. Il n'avait jamais su ce que c'était que la défaite, et la défaite était là, navrante, irréparable. Ce n'était plus à son âge qu'on recommençait une existence. S'il tombait cette fois, c'était pour toujours, pour toujours. Encore, s'il était seul au monde, son âpre orgueil blessé se consolerait de sa défaite. Après tout, il n'avait pas de besoin. Il quitterait Paris, s'enterrerait dans quelque village inconnu du Nord. Mais Raymonde, Raymonde, habituée à tant de luxe, vivant sa vie comme un oiseau babi. À l'idée que Raymonde allait souffrir, les égoïsmes de Guillemard se fondaient et il se sentait devenir père. Qu'il n'eût pas veillé sur sa fille jusqu'à présent, qui pouvait le lui reprocher puisque l'existence de Raymonde n'était qu'un rayon et un éclat de rire? Mais à présent, sa pensée allant à elle, « Pauvre petite, je l'aurais entraînée dans un joli pétrin. » Et brusquement sa vanité reprenait le dessus. Il était si fier de ses millions. On ne le saluerait plus si bas. On ne l'appellerait plus le roi du marché. On ferait sur lui, à la coulisse, de drôles d'oraisons funèbres. En liquidant sa maison de banque, en vendant tous les immeubles à Paris, les mines en Belgique, le trou énorme pourrait devenir plus petit. Mais que tout fût comblé, que tout fût payé, impossible. C'est donc comme ça qu'il allait finir, lui, le grand Guillemard. Se faire reporter, parbleu, c'était si simple. En se faisant reporter, on gagne un mois. En un mois, on remue un monde. Ah, si Rodion ne livrait pas. Il entendait alors la voix de Molina lui répéter, comme un moment auparavant, « Bavois, Rodion !» allons donc, sa vie, soit, qu'on lui demande à sa vie, mais allez supplier Rodion, recevoir en face le rire outrageant de ce misérable. Devenu maître de sa destinée, c'était trop. Je n'irai pas. Et pourquoi irait-il? Avec ça, que Rodion serait attendri par une telle démarche? Content, oui. Chatouillé dans son amour-propre, oui. Heureux de l'humiliation d'un ennemi, oui. Désarmé, non. C'était un duel. Guillemard était prévenu. Son adversaire ne faisait pas grâce. Je n'irai pas, je n'irai pas. La seule chance de salut était là, pourtant, là, et seulement là. Si Rodion ne livrait pas les titres des actions achetées, si Guillemard et Molina n'étaient point forcés d'en prendre livraison, l'alimentation générale demeurait cotée et l'on évitait la ruine. La ruine? Une démarche auprès de Rodion valait pourtant bien qu'on risquât d'éviter la ruine. Quelle heure était-il? 8 heures? À 10 heures. Dans 2 heures, Rodion avait l'habitude de se rendre tous les jours à sa maison de banque, la Franco-Exotique, rue Chauchat. C'était bien près de la rue Thébou. De son établissement de crédit au bureau de Rodion, en 10 minutes, un quart d'heure tout au plus, Guillemard allait et revenait. Quelques tours de roue, tout simplement. Et que de choses on pouvait se dire en 5 minutes. Oui. Si, pourtant, Rodion désarmait. Si, le pistolet chargé sur le cœur de Guillemard, il ne tirait pas, Rodion. Ce serait bien héroïque pour lui, mais qui sait? Qui sait? Guillemard sonna son valet de chambre, s'habilla machinalement, la tête troublée, avec des chocs de pensées contradictoires. Il parlait tout haut et s'arrêtait, lorsqu'il s'en apercevait, comme s'il eût redouté qu'on l'entendît. En sortant de son appartement, il ne savait pas encore au juste s'il irait trouver Rodion ou s'il n'irait pas. Une hésitation qui lui donnait la fièvre l'avait pris. Il demanda sa voiture. Elle était attelée et attendait dans la cour de l'hôtel. Comme il descendait l'escalier, il entendit un rire gai comme un chant d'oiseau. C'était Raymonde, qui venait de recevoir une aquarelle d'Edmond Lacoste, son portrait, fait de mémoire, en petite colombine bateau, et en même temps, un bouquet de lilas blanc superbe, pour un gage qu'elle avait gagné l'autre soir en caquetant avec le marquis de Lansac. « Tu vois, papa ?» dit-elle en tendant gentiment ses joues fraîches au baiser de Guillemard. « Ce sont des déclarations déguisées. Elle est gentille, l'aquarelle. Louis trouverait ça atroce. Et ce lilas, magnifique ce lilas. Mais veux-tu que je te dise? Il me semble que tout ça, fleurs et peinture, on le voit surtout à ma dot. » Guillemard frissonna. La dot de Raymonde. Où était-elle maintenant? Il embrassa rapidement la jeune fille avec une hâte de s'échapper et monta dans son coupé, s'y enfonçant d'un air farouche, pris de l'envie de crier « Rue Chauchat, au Franco-Exotique !» Le cocher le déposa rue Thébou. Avant d'entrer, Guillemard reprit son air d'assurance et son port de tête habituel. Il jetait autour de lui des coups d'œil qui interrogeaient. Il lui semblait que les commis avaient une attitude embarrassée. Le moindre chuchotement, derrière les grillages, lui paraissait cacher une inquiétude. Des clients venaient pourtant donner des ordres. Quelques-uns déposaient des couvertures pour l'achat de l'alimentation générale. L'affaire n'était pas morte. Certes, non. Avec un mois, on pourrait la remettre sur pied. Et dans 4 heures, Odillon, en jetant à poignée les titres sur le marché, allait tout tuer. Qu'est-ce que ça vaudrait dans 4 heures, la boostifaille? Rien, le poids du papier. Et tout en ouvrant sa correspondance, en regardant les lettres sans les lire, les journaux sans les interroger, en écoutant les commis presque sans savoir ce qu'ils lui disaient, Guillemère assistait par avance à cet affreux coup de théâtre, l'écroulement de la société d'alimentation, la débâcle de son idée et de sa fortune. Tout à l'heure, quand la pendule de son bureau sonnerait 1 heure de l'après-midi. Ah, ce misérable Rodillon! Après tout, pourquoi n'irait-il pas chez lui? Ce n'était pas le supplier, en somme, que d'aller l'avertir que lui-même, Célestin Rodillon, en ruinant Molina et Guillemard, éventrait sa poule aux œufs d'or, puisqu'il anéantissait une valeur qu'on pouvait sauver. Rodillon avait beau haïr celui qu'il avait traité de pilier de Mazas. Cette haine n'était pas assez niaise pour sacrifier 20 millions à une vengeance. Guillemard, assis devant sa table, se leva brusquement et, comme Molina, donnant presque un renfoncement à son chapeau, sortit tout à coup, sans dire un mot, laissant stupéfait un tas de gens qui l'attendaient. Un moment auparavant, il avait demandé « Où est M. Giraud ?» On lui avait répondu que M. Olivier Giraud était en Belgique et ne rentrerait que le lendemain. « Tiens, c'est vrai, j'oubliais, moi. » Les commis s'étaient alors entre-regardés. « Comment M. Guillemard oubliait quelque chose à présent ?» Il paraissait troublé. « Est-ce que la boostifaille n'allait pas si bien quand voulait le dire ?»« Des bruits vagues courraient déjà. Il n'y a pas de fumée sans feu. » Les employés de la maison même qui avaient acheté de l'alimentation se répétaient les uns aux autres. « Oh, je vais vendre. » Il y avait foule, rue Chauchat, devant le grand portail de chêne sculpté s'ouvrant largement sur les bureaux de la banque franco-exotique. Un mouvement de voiture, pareil à celui d'un soir de réception, jetait au seuil de Rodillon des banquiers, des courtiers, des coulissiers, des acheteurs. Un défilé d'hommes et de femmes. Guillemard prit la file. Il ressemblait déjà à un solliciteur. Chez Rodillon, comme chez lui, des colonnes de marbre supportaient le fronton où brillait le titre de la banque en lettres d'or. « Il faut bien inspirer confiance, » songeait ironiquement Émile. « Tout ce marbre, au fond, c'est du papier, et du papier mâché. » En le voyant descendre de voiture, des gens de la coulisse semblèrent étonnés. On savait combien Guillemard détestait Rodillon. « Tiens, que venait donc faire là le grand Émile ?» Un petit journaliste financier, que Guillemard avait traité selon ses mérites, ricana en apercevant le roi de la boostifaille. Il sortait du cabinet de Rodillon. Ce coquin de Rodillon lui avait peut-être, pensait Émile, donné, moyennant finance, le conseil de mordre l'ennemi au talon. « Punaise !» grommelait le banquier. Il lui fallait faire antichambre. Un huissier à chaîne d'argent avait passé son nom à M. Rodillon qui priait d'attendre. « C'est déjà bien gentil qu'il ne m'ait point fait répondre qu'il n'était pas visible. » Et assis, le coulissier regardait autour de lui avec une formidable envie de rire ou de tout casser. C'était superbe chez Rodillon. Tout flambant neuf, beau comme un palais. Des garçons de bureau et de recettes, en habits à la française, gris de fer à boutons d'argent, plaques aux biceps, allaient et venaient, portant des sacs et des paquets de billets, dont le bruit soyeux continuait, agaçant les nerfs de Guillemard, comme du satin froissé. On en apportait, comptait et recomptait là pour des sommes énormes. Quelle drôle de chose, quand on pense que tout cela avait pour prologue une cellule de Mazas. Il prenait au gros homme, suffoqué, le sang aux yeux, la démangeaison de crier la vérité sous ses grandes voûtes de pierre froide et chaste comme une église. Un temple de marbre élevé à qui? À l'audace, au toupet de Rodillon triomphant. Et dans ce vaste établissement princier, plus somptueux encore que tout ce qu'il avait bâti, Guillemard se sentait pris, cadenassé comme dans une prison. Il se figurait que c'était là comme un Mazas luxueux. Ce mouvement qui l'entourait lui semblait celui d'un préau à l'heure de la promenade. Ces garçons avaient des aspects de gardiens. Ces clients affairés étaient des visiteurs curieux, et dans cette prison de marbre, il n'y avait qu'un prisonnier, lui, Guillemard, qui sentait, de toute cette pierre luisante, tomber sur ses épaules une majesté de cathédrale et un froid de tombeau. « Monsieur Rodion est à vous, monsieur, » dit l'huissier. Guillemard se leva, appela à lui tout son courage, et vert comme un noyé, entra dans le cabinet où, étalé sur un divan, Rodion l'attendait, les jambes croisées. Émile le vit tout de suite dans le clinquant de ce bureau, et son regard alla tout de suite à cet homme qui ne se dérangeait même pas pour le saluer. D'aspect à la fois plus noir et plus jaune, Rodion, ce charbonnier atteint d'une maladie de foie, comme l'appelaient les gouailleurs, avait sur la face une joie féroce. Il rayonnait atrocement. Guillemard ne voyait que ses dents et ses yeux. Il alla droit comme un boulet à l'homme assis. Sans hésiter, sans réfléchir, comme on avale une pilule, il lui tendit la main et dit « Rodion, je t'ai offensé. Je le reconnais. Je te demande pardon. » C'était sauter à l'extrême, aborder le chat-tigre en face, faire d'un bond le sacrifice de son amour-propre, presque de sa dignité. Guillemard venait de le faire sans songer, sans chercher des mots, sans écouter lui-même ce qu'il disait. Il lui semblait que ce n'était pas lui qui parlait. Une nécessité le poussait. L'ayant vu humilié ainsi, tout de suite, Rodion ne pouvait plus demander d'explication. Qu'avait-il à dire ? Célestin se donna le plaisir mauvais de regarder Guillemard debout, sa large main tendue et sa figure s'empourprant peu à peu sous le ricanement froid qui accueillait cette demande de pardon. Puis, après avoir bien joui de la stupeur humiliée du bel homme, « La faim chasse le loup du bois, et la petite peur pousse aux excuses, hein ?» dit-il. « Tu es coulé, hein, mon bon ?» Guillemard sentit comme deux plaques froides se coller à ses joues. « Rodion, j'étais trop loin. On dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Écoute, fais une bonne action en faisant une bonne affaire. Tu as en main les titres de l'alimentation, garde-les. Laisse-nous reporter. Dans un mois, tu seras payé. Ou, dans un mois, vous aurez, en découvrant Pierre pour couvrir Paul, mangé vos derniers millions et je serai le dindon de la farce ? Non, dit fermement Rodion, je n'ai qu'à serrer la vis. Elle sera serrée et raide. » Il était féroce, le ton hargneux et sévère, la voix sans merci. « Rodion, ce que tu as fait là entre nous, tu sais... »« Ah !» interrompit le petit homme en se dressant sur le divan. « J'ai agi comme j'ai voulu. Entendez-vous ? Vous m'avez bêtement insulté, lâchement, devant une femme. Je vous ai promis de vous retrouver. Pincez, mon cher. Tant mieux pour moi, tant pis pour vous. » Il ne donnait plus à Guillemard ce tutoiement qu'on se renvoie en bourse comme le volant d'une raquette. Il traitait en inconnu cet ennemi qu'il tenait sous son genou pour l'égorger. « Molina ne vous a pas insulté, lui ?» balbutia Guillemard, qui avait plus envie d'injurier que de supplier. « Eh ! » fit Rodion, « je me moque pas mal de Molina. Il est votre doublure, il en subira les conséquences. Ah, je savais bien que vous étiez à sec. Je connaissais votre fortune à 10 000 francs près. C'est une vingtaine de millions qui vous manque, n'est-ce pas ?»« Je vendrai tout, » dit Guillemard, fièrement. Rodion eut un mauvais rire. « Je l'espère, fiche-toi bien. Et quand vous serez dans votre dernière chemise, vous verrez, mon cher, si c'est facile d'aller à Mazas. » D'autres aussi honnêtes et aussi malins que vous y ont couché, Rodion. » Il y avait dans la façon dont Émile prononçait ce nom autant de supplications que de menaces. « Je sais, » reprenait le millionnaire à tournure d'huissier. « On dira que la combinaison Stocklight était une malice un peu noire. Ruse de guerre. Quand on y est de sa vie, on se bat comme on peut. Le grand Sichel, qui est le million intelligent, artiste et respecté, en a bien fait autant. Vous connaissez son coup avec le syndic des agents de change. Qu'est-ce que c'est ? Balbutia Guillemard, stupéfait de voir maintenant Rodion railler, prendre des airs dégagés de causeur, jeter une anecdote gouailleuse dans ce tête-à-tête sinistre, duel où se jouait l'existence de deux hommes. Eh bien, notre grand Isaac Sichel ne voulait pas que le syndic arrivât en bourse assez tôt pour contrecarrer un ordre que lui, Sichel, avait donné. Il l'a invité à déjeuner. Après déjeuner, lui a montré sa galerie sans lui faire grâce d'un vandique et ses bibelots sans lui épargner une tabatière. Le temps a passé et quand le syndic est arrivé à la bourse, pfft, enlevé, c'était pesé. C'est assez malin. Chacun son goût. Sichel a trouvé le déjeuner. Moi, j'ai inventé William Stocklight. Il est aimable, n'est-ce pas, mon Américain ? Ah, cette fois, Guillemard avait envie de sauter à la gorge de ce drôle qu'il venait implorer et à qui, tout à l'heure, dans une sorte d'élan confus, il présentait la main. Rodillon lui prise cette main que peut-être, sincèrement, Émile lui souhaitait se mettre en quatre pour effacer sa colère d'autrefois. Mais au lieu de comprendre l'affreux effort de Guillemard s'humiliant, venant là comme fouetté et souffleté, Rodion ne voyait que sa vengeance de bafoué à savourer, et s'est échappé de prison affecté à une prudomie solennelle comme pour railler plus atrocement encore le malheureux homme. Si ça ne valait pas un coup de poing dans le visage, ça. « Savez-vous une chose ? » disait Célestin, jouissant de la grimace de douleur de cet homme. « Dans tout ça, je représente la morale, tout simplement. Oui, moi, l'homme de Mazas, comme vous m'avez appelé, mon cher. Il n'est pas permis de développer les appétits d'une foule comme vous l'avez fait avec votre boostify. Tout le monde se jetait là-dessus grâce à vos annonces, au tam-tam de vos grosses caisses, comme des chiens sur la pâtée. Tout le monde tripotait à la bourse, de simples particuliers, des amateurs, faisaient plus d'affaires à eux tout seuls que des maisons de coulisses. On a bu plus de champagne à Lyon en un mois qu'on en avait flûté en 10 ans. Des commissionnaires du coin jouaient sur la boostify, et ça montait, grâce à vous, diable. Où serait-on allé? Je coupe le cou à la spéculation. Là, net, on me donnera peut-être le prix Montyon cette fois, pourquoi pas? Écoute, interrompit brusquement Guillemard. Tout ce que nous disons là ou rien, c'est la même chose. Veux-tu perdre ton argent? C'est bien simple, livre les titres. Nous serons débordés. Tant pis pour moi, tant pis pour toi, comme tu dis. Veux-tu, au contraire, faire une bonne affaire? Je te l'ai dit, garde les titres. J'ai en Belgique un charbonnage, Saint-Luc, dont on ne me donnera pas la 10e partie de sa valeur si je suis forcé de le vendre du jour au lendemain, comme tu vas me contraindre à le faire. Si tu vas attendre, ce charbonnage seul serait capable, ma foi, de combler le fossé. Je n'en sais rien, je ne connais pas le terrain, mais un de mes commis est là-bas, et dans 8 jours. Ah, dans 8 jours, dit Rodillon. Il arriva droit sur Guillemard, le regarda de bas en haut, ses yeux jaunes injectés de rancune, et lui jeta ses mots au front comme un jet de bave. Dans 8 jours, tu seras exécuté, et tu ne pourras plus remettre les pieds à la bourse, et je t'en aurai chassé, moi, l'échappé de Mazas. Ah! « Misérable. Je t'ai dit que tu me le paierais. Tu me le payes. Ça me coûte cher, mais ça vaut ça. » Il avait pressé le bouton d'un timbre électrique. Un huissier parut. « Une autre personne, » dit Rodion, du ton d'un ministre, un jour de réception. Et tournant le dos à Guillemard, il alla s'asseoir devant une table chargée de papier, tandis qu'Émile sortait. Des gouttelettes de lumière lui sautillant devant les yeux, tout son sang au front, ivre, furieux, cherchant sa voiture sans la voir. C'était fini. Oui, fini cette fois. Il valait bien la peine d'avoir été lâche et d'avoir subi cette humiliation. Tout à l'heure, à la bourse, Rodillon allait faire son coup, livrer les titres. Demain, Molinet, lui, serait enfoncé. La liquidation les emporterait comme des fétus dans un coup de vent. Plus de roi de la bourse et de la boostify, plus de Guillemard, plus rien. « Faisons encore une fois bonne figure, » se dit-il. Il déjeuna au café anglais, d'un œuf à la coque et d'un verre de Château-Yquem, alla faire un tour aux Champs-Élysées pour se rafraîchir les idées, puis, par la rue Vivienne, alla à la bourse, et regardant les tableaux noirs où l'on écrit le cours des valeurs à la porte des changeurs, il lisait, par avance, dans une hallucination sinistre, l'effroyable baisse de la société d'alimentation. Le mot vulgaire lui sonnait aux oreilles comme un glas. Dégringolade. Il s'arrêta au télégraphe et envoya une dépêche à Olivier Giraud à Mons. Vendez charbonnage à tout prix, j'attends réponse. Puis, tête haute, il entra dans la cohue et les hurlements de la bourse avec son sourire des jours de triomphe. Il devenait comédien pour mieux tomber. Seulement, il avait aux tempes des rougeurs de fièvre et ses mains brûlaient. Il passait souvent sa langue sur ses lèvres sèches. D'un groupe, il vit tout à coup sortir Molina. Agar, qui vint droit à lui, disant, très bas d'abord, « Eh bien, ça y est, fichu, collé au mur, il livre les titres. Je sais bien. » Puis Molina, criant presque, les yeux hors de la tête, « Ah, Rodillon, le gredin, si je le tenais dans un coin, lui ou seulement son Stocklight, quelle marmelade! Stocklight, je lui fais manger sa barbe. Tais-toi, dit Guillemard, on ne sait rien. Et nous nous en tirerons peut-être. Nous en tirer? Molina pouffait de rire. Mais c'est réglé, mon vieux, le paquet est fait. Je n'ai plus qu'une idée, casser le Stocklight en deux. Deux Stocklight au lieu d'un, ça sera amusant. Il se perdit dans la foule, rouge, bondissant, les gestes saccadés, pareil à un fou. Guillemard eut la perception de quelque détraquement cérébral dans ce malheureux éperdu. Il le laissait courir, affectant lui un calme superbe, tandis qu'autour de lui, comme un grossissement de clameurs, montait devant l'amas de titres que les agents de Rodiron jetaient sur le marché. Et sous cet amas, comme les épaules d'un homme plieraient sous un fardeau, la valeur baissait, baissait, les cours sans soutien s'écrasaient, comme une masure tombe. Guillemard assistant à l'écroulement de son œuvre. On ne lui parlait plus, ou on lui parlait trop. Des questions lui sautaient au visage. Il y répondait en haussant les épaules, le sourire tranquille, le cœur troué de coups de couteau. On ne pouvait croire qu'il laissa de gaieté de cœur tomber les cours de l'alimentation. On croyait encore à une ruse. La baisse entraînait la baisse comme une pierre une avalanche. Tout baissait dans une panique de débâcle, et Guillemard restait là, faisant face encore à la déroute. Quand il descendit, majestueux toujours, étalant comme par le passé sa carrure large, les marges de la bourse, son capitole d'autrefois, il eut la sensation terrible qu'il ne les remonterait plus, et il fit des pas plus lents, comme s'il se fût agi de l'arrachement d'une patrie et d'une poussée vers l'exil. La dernière bourse. Jamais il ne reviendrait là, peut-être, jamais. Il en eut comme un éblouissement et s'arrêta un moment. Quelqu'un lui dit « Vous avez vu l'Écho de Paris qui vient de paraître ?» C'était le journal du petit gazetier rencontré le matin chez Rodillon. Guillemard pressentit quelque infamie. On lui tendait le numéro. Il lut l'histoire de sa visite à Rodillon racontée sous une forme fantaisiste et méchante, des railleries et des calomnies. On parlait de l'humilité de E.G., le coulissier bien connu, et le petit journaliste citait une vieille fable d'un nommé Bourget. « Peste !» dit Guillemard. « Il n'a pas perdu de temps pour compter la chose. » La coulisse ayant monté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la baisse fut venue. Plus de primes, d'actions, de rentes, d'obligations. Elle alla crier famine chez la banque sa voisine, la priant de lui prêter quelque argent pour tripoter, jusqu'à la hausse nouvelle. Fripouille! Et froissant le journal, il le jeta à terre, le papier roulé en boule disparaissant par une bouche de fonte et allant tout naturellement à son domicile, un égout. Alors, suffoquant, étouffé, navré, Guillemard se jeta dans un coupé. Il passa à sa maison, rue Thébou, affectant encore un calme superbe. Le caissier lui dit, très blême, « Vous savez la nouvelle, monsieur Guillemard ?»« Quelle nouvelle ?» Monsieur Molina, eh bien, il est entré chez Tortoni l'air tout drôle. Il est monté sur une table, a ôté son pardessus, son paletot et l'a jeté au garçon en disant « C'est de l'elbeuf, faisant une veste !» On l'a cru ivre, on l'a emmené. Guillemard se sentit prêt à tomber raide. « Molina ? Ah, le pauvre garçon, mais ce n'est rien, j'espère, ça ne sera rien. Une fièvre chaude. J'irai le voir. » Il donna des ordres, signa des mandats rouges sur la banque et dit « À demain. » Puis il sortit, très calme. « À l'hôtel, » dit-il au cocher. Rue d'Offémont, il put laisser éclater sa colère, sa tristesse, l'angoisse et la rage qui l'étouffaient. Il arracha sa cravate et rugit comme un taureau. Des hoquets soulevaient sa poitrine, et dans ses yeux gris, des larmes venaient, grosses comme des pois. Raymond accourut et fut effrayé de ce désespoir farouche. Cet homme, insolemment robuste, avait l'air d'un enfant battu. « Tu ne sais pas ?» dit-il. Nous sommes ruinés, ma pauvre petite. Ruinée ? Elle resta un moment étonnée, étouffée elle aussi, et se mit à dire. Est-ce possible ? C'est certain. Ruinée ? Eh bien, nous redeviendrons riches, dit-elle, effarée devant le désespoir de son père. Il ne répondait pas, restait écrasé, regardant le tapis. Voyons, papa, tu as gagné de l'argent si facilement. Tu en regagneras, va. On peut gagner de l'argent ? On n'en regagne presque jamais. Raymond ne l'avait jamais vu ainsi, les veines gonflées, des gouttes de sueur lui perlant au front. Elle crut qu'il allait mourir. Elle appela. Miss Maud accourut. « Oh ! » dit-elle de sa voix brève, Ce n'est rien, rien. » Elle tira de sa poche un flacon de sel anglais et le fit respirer à Guillemard qui la regardait comme abêti. « Merci, Miss Maud. »« Miss Maud, » dit Raymond en essayant d'être gai, « m'apprendra comment on devient institutrice. » « Qu'est-ce que vous dites là, donc, Raymond ?» Guémard fit signe à sa fille de se taire, mais Miss Barker le connaissait, ce vent de malheur qui passe dans les demeures humaines. D'un ton doux, tout à coup, et triste, se tournant vers Miss Barker, Guémard balbutia. « Miss Maud, vous pouvez nous laisser. Je vais mieux, et décidément, ce n'est pas un jour de joie. » Raide comme un horse guard à la parade, l'anglaise répondit d'un ton sec où il y avait plus d'émotion qu'elle n'en voulait laisser paraître. « Tous les jours que je passerai sous ce toit seront des jours de fête, monsieur, tous. » Et le soir, lorsque Raymond lui parla d'une séparation possible, Miss Maud, froidement, avec une sorte d'éloquence nette, coupante, en acier, lui prouva que, seule, sans parents, elle serait la bien obligée du logis, s'il lui était permis encore de vivre près de son élève et au besoin de partager les épreuves de la maison en ami. « Je n'ai plus de famille qu'ici et chez le père d'André. » « J'étais la plus jeune de 7 filles, » ajouta l'anglaise, « et pas une de nous n'est mariée, trop pauvre. Savoir faire des confitures n'est pas une dot. Moi, j'avais un fiancé. Il m'eût épousé, lui. Il est mort aux Indes, pauvre cher Harry. Je sais ce que c'est le malheur. Je vous aimais beaucoup déjà. Je vous aime plus, beaucoup plus. » Raymond lui sauta au cou et ce fut peut-être une des seules fois de sa vie où Miss Maud Barker eut la faiblesse de pleurer. Ce soir même, Louis accourait, effaré, demandant à voir Guillemard. « Tu sais, Émile, » dit-il brusquement, « j'ai 3 millions. »« Eh bien, mais après ?»« Après ? Prends-les, ça me débarrassera. »« Parole !» dit le peintre étrangement. « Il me gêne !»« Et tu resteras sans le sou ?»« L'homme à l'état primitif est plus heureux. » Et puis faisons mentir le dicton de Rothschild qui prétend qu'il n'y a que les portiers qui soient ruinés par la bourse. « Ruinons-nous !»« Tu es fou !» « C'est bien assez que je me dépouille, moi. »« Oh, tu prendras mon argent, cet argent, » dit Louis, d'un ton brusque. « Je le veux, je t'en prie. » Guillemard se demandait si, comme Molina, Louis n'avait pas un accès de fièvre chaude. Non, non, Louis n'avait ni fièvre ni folie. Il arrivait là comme d'un élan et Guillemard, cet homme d'argent, était étrangement surpris de rencontrer ce mépris de l'argent chez un cousin qui l'eût peut-être, qui sait, laisser se tirer d'affaires dans son coin en pareil cas. « Je ne te connaissais pas, Louis, » lui dit-il. « Ce n'est pas étonnant, » répondait le peintre. « Je ne me connais pas très bien moi-même. » Guillemard sortit ce soir-là pour aller savoir des nouvelles de Molina. On l'avait reconduit chez lui. Il criait à son domestique. « Je te vends 6 000. Achète, ça montera. » Ou, retrouvant dans sa crise les vieux souvenirs des années de misère, il se croyait encore sur le port marseillais et faisait l'article au matelot maltais. « Chante d'habits, marchande d'habits !» Guémard ne voulut pas rentrer. Il avait peur de revoir. Aliéné, ce vieux compagnon de ses batailles. Un fou, lui, Molina le tombeur, si gai, au foyer de la danse, Molina, fou. Non, je ne pourrais pas voir ça. Mais à travers la porte de la chambre, Guémard entendait la voix et le rire du gros homme, répétant avec son accent phocéen. Était donc un paletot de première qualité. Ce n'est pas vendu, c'est donné. Chante d'habits. Pauvre diable. Guillemard sortit comme poursuivi par un fantôme. Il trouva chez lui Raymond encore debout qui l'attendait et lui dit doucement. Courage, papa, je serai brave. Vente tout s'il le faut. Ta petite cocodette de fille vaut mieux qu'elle n'en a l'air. C'est comme Louis, n'est-ce pas? C'est un brave garçon, Louis. Guillemard embrassa sur ses cheveux dorés la chère petite. Il se sentait attendri, confusément. Il se coucha, ne put dormir et se réveilla brisé. Il était tout étonné de n'avoir pas eu de nouvelles de Victor. « Il ne sait peut-être pas, » dit Raymond. Louis l'a bien appris, lui. On lui apportait son courrier. Raymond mit sa main blanche sur le paquet de lettres et de dépêches. « Je parie, » dit-elle mélancoliquement, mais très gentiment, « qu'il y a là-dedans une lettre de M. de Lansac, qui regrette son lilas blanc, et une autre de M. Lacoste qui, sous prétexte de la retoucher, réclamerait volontiers son aquarelle. » Guillemard essayait de sourire. Une dépêche qu'il décacheta était d'Olivier. Le jeune homme répondait simplement « J'arrive. J'ai à vous parler. » Soit, fit Guillemard, mais a-t-il vendu? Il regarda l'heure du départ du télégramme daté de Mons. Au fait, il suivra de près. Il la mit de côté et ouvrit une lettre. À la bonne heure, c'est de Victor. Il lut tout bas et dit. C'est particulier, ça. Quoi donc? Demanda Raymond. Guillemard lui tendit la lettre. Si j'étais bien portant, écrivait Ribert, je serais allé chez toi, mon cher Émile, ou t'aurais demandé de passer chez Maître Auboin, mais je suis encore souffrant. Je te prie donc de vouloir bien te trouver ce soir mardi chez moi à 6 heures, affaire grave et qui te sera agréable, ton ami. Il ne parle pas de la bourse, dit Guillemard. Non, affaire grave, pourtant, et qui te sera agréable. S'il allait lui aussi m'offrir ses millions, fit Guillemard amèrement. Ah, ça. Ça existe donc, la famille? Mais non, Victor a sa fille à doter. Il regarda tristement Raymond, cet homme habitué de rire de la vie et hochant la tête. André est plus riche que toi maintenant, dit-il. Elle jeta un long regard très doux à son père et lui dit lentement. Ne t'inquiète pas, va. Je ne serai pas un pour-compte. On m'épousera, même sans un sou. Ah, bah! Fit Guillemard avec colère. Un marquis de carton, un prince de pacotille. Un prince de l'art, répondit Raymond, qui se souvenait des répliques du cousin Louis.